rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Algérino. Et c'est parti pour une nouvelle soirée, bienvenue à vous tous, l'Algérino est là avec nous, comment va? On est là mon ami. On est là, en pleine forme. Ouais, en pleine forme. À 4 jours de la sortie de L'Aigle Royal. C'est bientôt. L'Aigle de Royal va sortir de sa cage. Exactement. C'est lancé pour tout le monde. Et il va faire le tour du monde. Il va faire le tour du monde cet album. Bon, tout va bien ce soir, je vois qu'il y a des invités autour de toi. Il y a beaucoup d'invités ce soir. Salam, shalom. Bah, tu nous présentes, tu fais le tour de table? Oui, donc il y a à ma droite, il y a LCK. Le petit frérot qui est là. Yes. Ah, tu vois, LCK qui a un petit problème avec sa magnifique. Tana Smoke, donne-moi ça. Tana Smoke, c'est bon là? C'est voilà, là tu es bien, là tu es bien. Ça, c'est les cigarettes électroniques jetables. Exactement. C'est-à-dire, voilà. C'est la cigarette des stars. C'est la cigarette des stars. Électronique. Ben moi, tiens, en fait, j'ai arrêté la cigarette depuis, donc je me suis mis à ça. Et bon, ceux qui n'ont pas commencé à fumer, ne fumez pas ça. Exactement, on rappelle qu'évidemment, fumer, même vapoter, c'est pas forcément bon pour la santé. Après, voilà, pour diminuer, c'est pas mal. Voilà. La Tana Smoke. Bon, après le petit point publicitaire dans la Tana Smoke, revenons donc sur LECK qui est là, qui a réussi à déboucher sa Tana Smoke. Ouais, yes. Ça va en pleine forme? Ça va très bien, merci. Tout va bien? Ouais, d'ailleurs j'attends toujours que tu me payes. Hein, je l'ai payé 100 fois et à chaque fois il me redemande. Bah, il veut. Allez, on va te faire un petit fétiche. Il a un très bon ami qatari. Ouais, le prince, c'est mon gars. Ah, c'est ton gars aussi, ouais, connais. Bon. Oui, il t'a dédicacé. Il m'a dit, il va me prendre 20 000. Voilà, bah, tu t'arrangeras avec lui. Voilà, c'est lui qui règle les affaires de l'Alger. Donc, elle sait qu'elle est avec nous. Yes, et avec nous, ils nous ont fait l'honneur d'être présents ici ce soir. Ils sont sur ton label. Exactement, MMC, c'est la famille. Les Marine Monsters. Marine Monsters, comment ça va, messieurs? Marine Monsters. Tout va bien. Et toi, Fred? Il est comment le collègue de maison de disques? Yes, l'Algérino, c'est un bon. C'est un bavon. J'aime bien cette expression. Un bavon. Pas mal. Un bavon. Bon, tout va bien. On est fiers d'être là. Bienvenue à vous tous sur Skyrock. Ce soir, il va y avoir du live, donc a priori. Ouais, yes. Beaucoup de live ce soir. Yes, beaucoup de live à pas louper. Et avant de commencer l'émission, il y a d'autres invités aussi qui vont arriver. Ah. Là, j'ai vu Khalif Hardcore. Il y a Khalif Hardcore. J'ai vu passer, ouais, c'est vrai. À mon avis, il est en train d'en faire un pas loin. Il est là, mon ami. Mais que fait-il? Dis bonjour à toute la France. Là, ça va ou quoi? Ça va en pleine forme? Ça va, frère. Bah écoute, bienvenue aussi. On était là toute la journée à Paris, frère. Mais alors? Bien passé avec le poteau Riyad, le poteau Mams. Alors, passe à dédicace, bien passé, frère. Ça va, vous l'envissez pas trop de Marseille? Il est avec moi, ça fait une semaine, il me rend fou à l'hôtel, c'est un bordel. Ah, c'est pas vrai, c'est lui le bordel. C'est pour ça qu'il est aussi calme le soir, en fait, entre 20 et 21, parce qu'il donne tout la nuit. Tout, hein, il me rend fou. Prince, que se passe-t-il? Hop. Attends. Le prince Temenik II est de retour, son Altesse est de retour. Prenez ma chaise, prince. Prenez ma chaise. Il a pas de siège. Il est énervé. Je crois que les affaires n'ont pas été bonnes aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a un gros sac, hein. Par rapport au sac d'hier. Sac plein d'argent. Ah, je crois qu'il veut récupérer sa place. On va présenter déjà le frérot là qui est là. Ouais, bah moi c'est Igor LDT. Je suis l'artiste d'Overdose. J'ai été invité par un jeune derrière, qui je remercie aussi. J'habite à Valenton en 94. 94, c'est quoi? Il connaît. On est là. On est là. On va essayer de représenter un peu. Ouais, bah, très bon rappeur. Bienvenue à vous tous et on s'est aussi. Il y a encore la famille qui est là aussi, il se cache. Merci. Ockfell, viens dire bonjour à toute la morlette. Salam les frérots, voilà, bang bang, Ockfell. On est là, on est venu soutenir le frérot, 6 octobre dans les bacs, Inch'Allah. Tiens, maître, la famille. Son Altesse est en train de s'asseoir. Et il y a son Altesse qui a récupéré son siège. Assalamu alaikum, arrasata waldekum ga à tout le monde. Il vous apprécie pareil. Il vous salue, le prince. Ça va bien? Les affaires ont été bonnes aujourd'hui? Non. Quelques rachats, quelques investissements? Non. On a eu une interview aujourd'hui avec, on peut dire? Ah bah oui. On a eu une interview avec Public et il les a rachetés. Ah bah. Il a appelé ça le trésor public. C'est pas mal, ça sonne bien hein, comme titre. Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, bah, bienvenue à Sa Majesté qui est là avec nous. Toujours des tenues magnifiques. On a traîné comme ça, il était avec moi sur Paname, les gens ils pétaient les câbles. L'Algérie avec un Qatari. Allez, envoyez les messages aussi avec le hashtag l'Algérino sur Skyrock. Et avant de commencer ce Planète Rap, on se rappelle évidemment ce qui s'est passé hier soir. Je pense qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette compilation des meilleurs moments d'hier soir, le prince, Sa Majesté. Donc tendez l'oreille. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. L'Alger, Ça va? Oui, mon ami. En pleine forme? On est là, on est en pleine forme. Bien, je t'ai laissé hier soir, on a commencé à regarder la première mi-temps ensemble. Moi, je voulais juste qu'on se rappelle quand même hier soir ce que disait l'Algérino pour le pronostic. 3-1 facilement pour Barcelone. Remets-le parce que c'est tellement bon. Remets-le. 3-1 facilement pour Barcelone. Voilà. Grosse surprise. Invité de marque ce soir. On a de la chance. Ah, ça frappe à la porte. Je crois que l'invité est arrivé. Oh là. Attends. Oh là là là, je crois que c'est du très très lourd qui arrive dans le studio. Est-ce que tu peux nous présenter Sa Majesté qui entre actuellement dans le studio? On va le présenter, c'est le prince Temenik Ier. Ah, excuse-moi, je me gourre tout le temps. C'est le prince Temenik II. Deuxième du nom. Assalamu alaikum, narrasata waldekum ga, tout le monde. Pareil, prince. Donc, pareil. Le prince est enchanté de faire votre connaissance, il vous salue c'est fortement. Toi qui salue, oui. Il vous salue fortement. Et je te disais qu'il était en plein investissement en ce moment, donc il avait racheté l'OM. Donc il a ramené. C'est fait. Mais oui, mais c'est pour ça que ça fonctionne mieux. Bielsa, tout ça, c'est lui. Donc on applaudit le prince. Bravo, bravo. Il a racheté aussi, je te disais la dernière fois, L'Oréal. Il va en faire une équipe de foot, L'Oréal de Madrid. Donc il avait acheté aussi Zara, qui a transformé ça en Zarab. J'ai pas compris pourquoi. Il a appelé ça Zarab et il fait que de la djellaba. Mais de la djellaba de luxe. Classe. Il est sur la française des jeux aussi. Ah, il compte racheter la française. Il veut appeler ça Rebeu des jeux, je sais pas pourquoi. Il va lancer l'euro milliard. Voilà. Et il a racheté aussi les réseaux ferroviaires, la SNCF, donc il a rebaptisé ça SNCF. SNCF, évidemment. Le prince ne fait pas les choses à moitié. Quels sont les prochains achats du prince? Parce qu'on m'a dit que peut-être Skyrock allait y passer. Alors, Skyrock, il hésite encore. D'accord. Il hésite. Parce qu'en fait, il a un problème avec Rock. Il aimerait bien que ça s'appelle Skyrail. Ah bah, ça dépend s'il met le prix. Alors, hein. 3 milliards son prix. D'euros? 3 milliards d'euros, bien sûr. T'as pas de dinars, cousin. T'as un moment donné. Bienvenue sur Skyrail. Il s'est lancé dans la location de tracteurs de luxe. Mmh. Et ça s'appelle Qatar Pilar. C'est l'Algérino sur Skyrock, l'album dans les bacs lundi. Aïe. Nous ressons de Sopra maintenant. Le morceau c'est très fast. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements, mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne. Je crois c'est une longue histoire. Hein, oui, on est des amis de longue date. On se connaît depuis petit. Je crois qu'on se connaît depuis l'âge de 12-13 ans. Et c'est un titre que j'avais fait, que j'ai fait écouter à Sopra. Il m'a dit j'aime bien le délire. Ça a donné ce titre-là. Nada que le kelb. Eh ben, Kim, pas trop quand même. Okay. Voilà. Je l'avais oublié ça là. Nada que le kelb, Kim, pas trop. Pas trop. Un petit peu chouïa. Un petit peu chouïa. Bon, l'Algérino ce soir, donc du live de prévu dans l'émission. Est-ce que le prince Temenik va lâcher un freestyle? Parce que hier on l'a dit, peut-être. Alors, la page Facebook, je sais pas si elle a pas beaucoup bougé, donc le prince est très vexé. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu tendu, je me dis. Je sais pas. Peut-être qu'il faut le motiver. Le motiver. Les gars, vous êtes chauds pour qu'il fasse un freestyle ou pas? Bien sûr. Cher. On va demander aux auditeurs de Skyrock. Faites péter les messages. Un freestyle du prince. Vous mettez un message genre vas-y défonce tout le prince rap, fais-nous un freestyle, vous envoyez ça avec le hashtag l'Algérino sur Skyrock. Comment on dit freestyle d'ailleurs? Rajet Babacom. Voilà. Dites-lui prince Temenik, fais-nous un Rajet Babacom. Allez-y au 41-759, vous balancez les messages. Et il y aura peut-être un freestyle ou au moins un complet, peut-être un 16. On verra. Peut-être un 38, un 42. On verra. On verra tout à l'heure en fin d'émission. Un milliard. Ça va faire beaucoup. Un milliard de freestyle. Hein. Bon, on débute avec un morceau là, Allez, on va s'écouter. Ça va aller. Allez, c'est extrait de l'album Aigle Royal tout de suite sur Skyrock. Pas garde-robe aujourd'hui, non? Ça va aller. Tranquille. Tout à l'heure, on se met grosse garde-robe. Pour toi, ça va. L'album lundi dans les bacs, la famille. Aïe, les nerfs, l'époque est folle. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur, donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à bout du monde, plaqué menotté. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. C'est l'Algérino sur Skyrock. L'album lundi dans les bacs. Aigle Royal, aïe. J'taillais les cours, j'découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite, rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande, oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, je me sens pas beau, je me sens défaissé. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du Tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la Tess. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande, je me demande, petit, ça va aller. Eh oui, mon ami, c'est du c'est lourd et c'est sur Skyrock, c'est l'Algérino. Aigle Royal dans les bacs lundi, je compte sur vous, la famille. Aïe. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Ça va aller à l'instant, donc ce soir on démarre avec les morceaux un peu plus profonds, un peu plus mélancoliques, voilà, de l'album. Non mais ça dépend de l'humeur, moi j'aime bien ce titre-là, il y a beaucoup de gens qui le demandent et je vois même les messages, les gens ils apprécient, donc voilà quoi. Allez-y avec les messages 41759 avec le hashtag l'Algérino sur Skyrock, ce soir l'Algérino du live de prévu dans l'émission des extraits de l'album. Yes. Et nous on a été faire un petit tour dans la rue, c'est le son de la rue, là on a été demander aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Ah c'est bien ça. Donc tu vas pouvoir écouter. Allez, tu as un peu bien. De tout. Ouais, c'est bien. Ah là, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Et quand on demande, quand on tend un micro dans la rue, on dit qu'est-ce que vous pensez de l'Algérino, on a ça comme réponse. Elle nous écoute là. Ouais, j'aime bien. C'est le meilleur, on t'aime, voilà. Skyrock. Le son de la rue dans Planète Rap. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. Sur la tête de ma mère. Ouais, c'est un chanteur, c'est un rappeur. Il chante bien déjà. En plus, il est beau. Bien sûr, on connaît l'Algérino. Moi, je le connais depuis jeune, hein, l'Algérino. Elle nous écoute là. Reste compté, t'es un vrai. Et c'est à moi de faire une petite photo, pourquoi pas. Moi, je l'aime bien personnellement. C'est pas question de c'est un Marseillais ou Parisien, je l'aime bien. Il a pas signé avec le Watibé, tout ça, non? Non, si, j'aime bien. Enfin, si, c'est un bon chanteur, je trouve qu'il fait des bons sons. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la façon qu'il chante et puis qu'il continue. Hein. Là, il est passé Skyrock hier, non? Là, j'ai écouté, il s'est passé. Algérino, Marocchino, je ne sais pas, mec. Voilà, petit aperçu, quand on entend le micro, on demande l'Algérino. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Bien. Ouais, tranquille, bien sûr. Non, il a donc signé sur le label Marine Monster. Ouais. C'est le label avec nous, d'ailleurs, il y a deux autres artistes qui sont présents, Yann Slow du Nine, Belgic, exactement. Qui forment le groupe Marine Monster. Il se passe quoi d'ailleurs pour vous, messieurs, en ce moment-là? Ça bosse dur? Ouais, ça bosse dur, hein. ça y est, là, On est sur un mois pile. Exactement. Un mois pile, le 3 novembre dans les bacs, ça y est, l'album, il est là, il est fini. Ah, c'est 3 novembre dans les bacs? 3 novembre et c'est du lourd, j'ai écouté. T'as écouté un peu? En exclu, j'ai écouté. T'es là tout le temps. Lourd. Très bien. Donc, prochain extrait arrive quand, les gars? Prochain extrait, bah, demain, il y a un gros clip qui sort. À 18h. À quelle heure? 18h? C'est Jean Caisse. Jean Caisse. Premier extrait de notre premier projet. Exactement. On peut appeler ça un album directement. Yes. Et c'est le clip qui sort demain à 18h. Pour ceux qui connaissent pas, juste après, on va vous montrer le son, quoi. On va vous le faire écouter juste après. Et bon, on va le mettre très bien. On le fera en live, c'est ça, ce soir? En live, on l'a juste après. Donc le morceau qui s'appelle Jean Caisse, un morceau validé forcément par le prince. Ah, moi, le prince, attends, est-ce que le prince a validé? Jean Caisse. Combien? ça veut dire que c'est validé. C'est validé. C'est quand il dit combien, c'est que c'est. On commence à le connaître un peu. Donc quand il dit ça, c'est que c'est archi validé. Exactement. Donc il y a évidemment donc les Marine Monsters avec nous et le CK aussi. Je disais, vous, ça fait un moment que vous connaissez, que vous côtoyez. Bonne ambiance. Oui. C'est lui qui m'a. Tu vois, c'est lui le premier qui m'a sorti de mon ghetto. Avec Cynic, voilà, c'est le premier qui m'a sorti de mon ghetto. Il m'a montré que c'était pas Balzac le centre du monde. Donc voilà, on a franchement putain de mec. Il m'a emmené au Canada, il m'a emmené au Côte d'Ivoire, il m'a emmené en Israël. Ah oui, c'est vrai que toi, c'était la première fois. On a fait un concert en Palestine. On a fait un concert avec lui, tu vois. Et voilà, c'est un grand frère. C'est même plus du rap, frère. C'est comme Beji, tu vois. C'est un mec, on se voit même pas dans le rap. On fait des loups-garous ensemble. Ouais, grave. C'est des loups-garous. Des loups-garous, c'est un nouveau concept. Bientôt, j'ouvre une chicha et tu vas venir faire un loup-garou dedans. C'est un petit fille. Hein, ouais, la petite fille, voilà. Et non, c'est pour revenir sur Samir. C'est vraiment un gars qui se prend pas la tête. Moi, l'album, je l'ai vécu aussi. Malgré qu'on n'est pas dans les mêmes labels et qu'on se voit dans l'année, on bouffe ensemble, on dort ensemble encore. Dormez ensemble. Il vient me voir dans le 9-4, on va se poser. Tranquille, grand frère, petit frère. Exactement. Et voilà, j'ai vraiment vu l'évolution de la chose et c'est un bête d'artiste et je pense qu'il mérite encore plus que ce qu'il n'a aujourd'hui. Voilà. Bon, okay. Tu es un monstre, merci beaucoup. Et je vois que dans les studios de Skyrock, il y a une personne aussi que j'apprécie énormément qui vient d'arriver. C'est mon ami Soso Maness. Viens Soso là, Maness. Viens là. Présente-nous là, j'ai dit nous un petit mot quand même sur Soso Maness. Quelle classe. Attends que vous fassiez la bise, c'est vrai qu'à Marseille on se fait la bise. Bonjour à tout le monde. Non, l'Alger, je voulais juste que tu nous présentes Soso Maness. Alors, Soso Maness, c'est un artiste Liga One qui est originaire de Fontvert, c'est un Marseillais et c'est un découpeur aussi. Donc voilà, signé sur le label où on retrouve Joule. Exactement. Califa. Salam à vous, l'équipe Soso Maness, Liga One Industrie, Marseille 13 ou 14. Et ouais, demande à Fred. J'avais dit tout ça. Ça va en forme? Ouais, je sais. Bon voilà, il y a Soso qui est là, il y a Khalif Hardcore aussi. Ouais, il est posé. Rockfell aussi qui est là. Donc voilà, il y a du monde ce soir. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant? Allez, on va s'écouter Grosse Garde-Robe. Allez, on va changer d'ambiance. Grosse Garde-Robe quand même. Demande du prince. Avant de lancer Grosse Garde-Robe, je vais faire une grosse dédicace à Momo le Suédois, qui est un humoriste de talent originaire de Marseille. C'est un fou. Et il est dans le titre Grosse Garde-Robe. C'est lui qui fait l'intro et l'outro avec moi. Et le 10 octobre, il est à l'Espace Julien. Très très gros spectacle. Il est affilié avec le prince. Il y a un truc. Mais le prince, il a lancé en fait, c'est lui qui le produit. Je sens qu'il veille sur lui. Il le kiffe. Le prince qui ne lâche pas son portable, je sais pas ce qu'il fait. Et portable, il dernier achète, cri. Hein. Il achète. Ça, c'est le dernier cri au Qatar, il paraît. 38-10. De chez Nokia. Parce qu'il a racheté Nokia. Il est customisé argent. Il s'appelle Rokia. Pas mal. C'est argent ou c'est or blanc d'ailleurs? Platine. Forcément. Platine. Logique. Le portable platine. On met le morceau? Allez, grosse garde-robe. Allez, c'est parti, grosse garde-robe maintenant. Oh, Momo le Suédois. Bon Alger, ça va ou quoi? Paraît-il, il a une grosse soirée avec toi. Je suis là, ça va. On va se mettre frère. Grosse garde-robe. Ouais, pour toi, je suis ta femme vraie. Et jusqu'à là, j'ai tout mon temps. Eh oui, mon ami, c'est l'Algérino sur Skyrock. Samedi soir, on est au Riyad à Lyon. Et dimanche, on est au Garden à Saint-Denis. Aïe! Oui, en Kabyle se sème. Ça fait même en Turkanana se quème. Les jaloux on le sème. On s'en bat les clairs. Nous on a la classe. Rouma c'est des clairs. Retiens ta mine. Tu en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte. T'es pas tombé sur des chiens. Dilex à mon rang. Tu veux mon numéro. Hétadi. Tu connais pas l'Algérino. L'Algérino. Sans de capitaux. 1 million d'euros. Tous mes classicos. Une armée de bigots. Dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grosse garde-robe. Ouais, pour toi je suis ta peine. L'Algérino, on est sur Skyrock. L'album lundi dans les bacs, la famille. Je suis avec Bibi Melik, foie gras, hlel. Confiture de figue à la recherche d'une hlel. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, je me suis fait la belle. Je fais le tour des boîtes et des chichas. déjà. Les rappeurs m'en disent, je fais du bif, ils sont tous en l'air, gars. Rebeu frais, rebeu agile, pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile. Grosse dédicace à mes amis lyonnais, GSX, Pélo, t'inquiète pas la famille, on a reçu le texto. Aïe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues, yeah, yeah. J'aime rouler toute la nuit, que je gamberge de l'Eli. Appelle Tini, oh Amri, c'est dans les bacs la famille. Grosse dédicace, Yenis le glisse, c'est correct. Aïe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues. Ouais, pourtant je suis top entrée et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde d'Europe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues. Momo le suédois. J'espère que les meufs elles sont de sortie et qu'elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage Jemé. Mais Jemé c'est la marque cousine. Je le remets. Moi j'ai la solution. C'est pas Elsev qui te faut, c'est Elsla. Oui mon ami. Et à tous ceux qui putent la gueule aussi au passage, je te signale que ça existe mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Mohamed le suédois. Aïe, on est sur Skyrock. Lenji c'est dans les bacs. L'Algérino, grosse garde-robe à l'instant. Aye. Sur Skyrock. L'album arrive lundi, on peut précommander dès maintenant, on peut y aller. Hein. Ouais, il est sur iTunes déjà. N'hésitez pas à cliquer. Cliquez, acheter, 7,99€. C'est pas cher. C'est pas cher. Allez-y. Et c'est de la bonne musique en plus. Et dans un instant, on va revenir avec du live. Ne bougez pas avec les invités de l'Algérino ce soir. Ils sont nombreux au micro. Yes. Et d'ici quelques minutes. Moi, j'ai envie que le prince il chante. Là. Je sais pas pourquoi. J'ai envie qu'il chante. Je sais pas, mais je sens pas en bonne disposition, quoi. Après la pub. On va voir après la pub. Après la pub, il peut lâcher carrément. Tu peux lâcher un truc. Vous pouvez, pardon, excusez-moi, il faut le vous voyez, attention. Très famille. Ah, je me dis bien, l'air comme il faut. Il est bien, lui, hein. T'achètes, on l'achète, lui aussi. Non, Sahabi. Ah, normal. Collègue, il t'a dit, collègue. Ouais, collègue. Bah oui. On n'achète pas un collègue. Négatif. Bon, dans un instant, peut-être un live du prince Temenik II, deuxième du nom. Pourquoi pas? Voilà, je rappelle qu'il nous vient du Qatar, hein, qui est un de tes amis intimes, on peut le dire. Exactement. Et qui est en train de tout racheter. Exactement. Il rachète tout. Yes. Tout. Il est en concurrence avec l'autre prince du Qatar. Ouais, ça y est, il a dépassé. Je vais racheter le prince. Il va racheter son cousin. Il va racheter son cousin aussi. Quelle famille incroyable. Les réunions de famille, ça doit être sympa. Hein. Ah, c'est Dallas là-bas. Bon, bougez pas dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra là, on va s'écouter Humeur d'un soir. Très bien. C'est Humeur d'un soir. Mmh. Des très très bons morceaux. Les gens, ils m'en parlent souvent sur Twitter, sur Facebook. Et on va faire découvrir ça à ceux qui ne le connaissent pas. Et bah bougez pas dans un instant. On revient, on vous attend au freestyle de Planète Rap. Pour s'inscrire, 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Comme toi, l'Algérino a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est l'Algérino et son album Aigle Royal qui débarque lundi dans les bacs, on lundi le découvre. Dans les bacs, on compte sur vous la famille. Avec des invités ce soir, il y a le CK, le 9-4 à représenter. Exactement. Et donc 9-4, faut gaffe un peu, on va partout, t'as pas vu là, le flic qui a escroqué un petit vieux. Ah ouais non. En fait le petit vieux va porter plainte parce qu'on avait utilisé genre sa carte bancaire et tout. Il tombe sur un flic au commissariat de Chennevières. Même moi je connais mieux que toi. Ouais, excuse-moi. Chennevières. Et le flic en a profité pour faire une photocopie de la carte et s'acheter deux canapés en cuir. Elle est belle la police française. Elle est belle. Ah ouais, même dans le 9-4. C'est incroyable. Mais il y a des bons dans la police aussi. En même temps, ouais, il y a des bons bien sûr. Et en même temps. À Marseille, on a l'habitude. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu. Ah, donc, Marseille. Ça va là. Il y a une bonne équipe hein, même aussi à Marseille. Hein. Une bonne équipe là-bas qui est tout très fort. Hein. À Vitry là-bas qui a tourné avec Monson. Bravo. Mais tu crois pas. Mais bravo. Bac de Vitry tourne avec le premier album. Ouais, mais en même temps, on a des auditeurs qui sont flics aussi. Et bah oui, il est où le souci? C'est un métier. C'est vrai que c'est un métier quand même. Comme tu dis, il y a des bons et des mauvais. Et voilà, comme dans la société. Exactement. Voilà, il y a des bons, des mauvais partout. Comme dans le rap, comme dans. De toute façon, c'est un problème. Le prince va racheter la police aussi. Comme au Qatar, il y a des bons princes, des mauvais princes. Exactement. Il faut de tout pour faire un monde. Là, on en a un très bon. Est-ce qu'il va? Alors, est-ce que tu l'as convaincu? Le prince, il faut le motiver. Le prince. Le prince. D'accord. Ah, okay. C'est la première fois le freestyle lâché sur une radio française. Non. Oui, c'est la première c'est fois. C'est ça. C'est la première fois. Allez, ben, un, deux. A cappella. A cappella. A cappella. A cappella. Ariane. Ok. Ok. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Harak jdeba bakoum el kelb khamej el kilat. Ok, je me présente, Prince Téménic, 28 piges, milliardaire, 2014, débarque en France, c'est le tiers-monde, c'est la galère. Je rachète tout sur mon passage, L'Oréal, le maquillage, la Tour Eiffel, le DF, le TGV, SNCF. Avec l'Algérie, non, j'ai investi, je suis producteur. Aria Monstre Marin, il est 40 voleurs. On entre dans la musique par la sortie de secours. Demande le 6 octobre, c'est qui le disque d'or? T'écoutes le Royal, ta voiture elle tombe en panne. T'as trop mal à la tête, faut que tu prennes de Doliprane. On fait que les Américains, les Mexicains, les Hurricanes, les Jéricains, les Shurikens, les Capitaines, les Pylonnes, les Plastéméniques, Marocains, les Comme Obama, yes weekend. Allergique au travail, tous les jours, c'est le week-end. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Celle que j'ai aimée, c'est Ariane et les 40 voleurs. Celle-là, je l'ai plus. Même la sortie, elle est pas mal. Oh, non, mais. Je pense que là, il y a un peu de slam, il y a un peu de mélange entre le slam. Ouais, exact. C'est un peu de slam, il y a un truc. Hein. On a trouvé le filon. On a trouvé le filon. On a trouvé. Il y a de l'islam. Pop. Tu es moche. Voilà, avec l'album nous. 2015, c'est monstre. C'est prévu quand l'album? 2022, on a le temps. Ah. On a le temps. Mm-hmm. Pratiquement pendant la Coupe du Monde au Qatar d'ailleurs. Yeah. Ouais. Chez MMC? Chez MMC? CCM. Il aura tout racheté. Il aura tout racheté. Dites-nous ce que vous avez pensé du Prince Téménic 2 en freestyle. Allez-y, freestyle, on dit freestyle de dingue. Ah, Bergu qui dit c'est nul son rap. Et il y en a un qui dit trop fort aussi. Attention Bergu, hein, lui. Ah, Bergu. Trouve son adresse avec lequel c'est. Sinon, il y a que des commentaires positifs. Hein. Psartek, le freestyle, et le Prince Téménic, des bars excellents. PTDR, Prince Téménic. On comprend ça, PTDR aussi au Qatar? Normal. Ouais, voilà. Tu comprends. Allez-y. Balancez vos messages dans un instant. Par contre, il y aura aussi du live avec les autres invités de l'Algérino d'ici quelques minutes. Et juste avant, on met un morceau en Algérie. Ouais, on va s'écouter Humeur d'un soir. Humeur d'un soir, et petite question pour repartir avec l'album dédicacé de l'Algérino, l'album L'Aigle Royal. Comment s'appelait le tout premier album de l'Algérino? Facile. En 2005, exactement, 2005. Produit 2005. Par Akhenaton. Allez-y, 41-759, vous repartez avec l'album dédicacé de l'Algérino. Et voici Humeur d'un soir maintenant. Deux heures et demie du matin, pleine gamberge, plein de trucs qui te passent par la tête. Tu remèmes, tu te remets en question, tu voyages dans tes pensées. Tu te poses plein de questions sur la vie, où tu vas, où tu en es, tu sais même pas si tu seras encore là demain. Y'a la Tiff Beat. Si ça se trouve, y'a la Tiff Beat. C'est le dernier mot que j'écris. Chacal du Nine. Sais-tu ce que c'est que sentir souillé, sale jusqu'à la moelle, baignant dans une mare de péché? J'ai pied mais je me noie, toute ma vie je n'ai fait que tricher, trimer pour des billets, l'envie de tout piller, j'en oubliais même de prier. On se croit tout puissant, adolescent inachevé, on se croit invulnérable, un simple virus peut nous achever. Toute ma vie j'ai triché, trimé pour des billets, l'envie de tout piller, j'en oubliais de prier. J'fais le bilan et j'vois que j'ai rien fait. J'ai fait de l'argent mais j'en ai rien fait. Y'a que des actes. qui reste, ta descendance que tu laisses. Tout ce qui s'élève se rabaisse. Au final, mon frère, je fais le bilan et je vois que j'ai rien fait. Dans ce monde de part, je me sens prisonnier. À peine je purgeais, personne n'était là. J'en veux à personne, j'm'en prends qu'à moi-même. Trop bon, trop con, t'ouvres ton cœur et c'est des frérots qui te la mettent. J'veux quitter ce monde de fou, j'rêve de mourir à la Mecque. Loin des médisants, de tous ces gens qui souhaitent appel. C'est l'Algérino sur Skyrock. J'écoute les frères qui font rappel. Ils me parlent de l'éternel. Des frissons, mon cœur s'apaise. Le diable pisse sur mon oreille. J'entends pas l'Eden, je suis sourd. Je sais ce dont mon cœur a besoin. J'ai la flemme, je me sens lourd. Yeah, je me sens lourd. Yeah, je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Une belle été de terre, c'en est fini. On finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini. On finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini. On finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini. On finira tous sous terre. C'est l'Algérino sur Skyrock, humeur d'un soir, extrait de mon album Aigle Royal dans les bacs, lundi la famille. Y'a la Tif Pit. C'est extrait de l'album Aigle Royal de l'Algérino, humeur d'un soir à l'instant. C'est un des morceaux que vous retrouverez dès lundi dans les bacs ou dès maintenant en précommande. Allez précommander l'album de l'Algé. Yes, sur iTunes et lundi dans les bacs. Une leçon de mélodie. Hein, c'est vrai ce morceau, ouais. Ça t'a touché celui-ci? Non, c'est un des meilleurs en mélodie en France. Faut le dire, il va me faire des top lines pour l'album d'ailleurs. Volontiers. Il est bon au niveau de mélodie. Merci frère. Il est loin. Et bah l'album sort lundi. Dans un instant, il y a du live, gros freestyle de prévu. Juste avant, il y a Roms de La Réunion qui nous appelle. Salut Roms. Salut Fred, ça le 974, comment ça va et toi? Ça va tranquillement. Salut Algérino, salut, comment ça va? Salut famille, bien? Bien, tranquillement, on est t'as là. T'as pas dit bonsoir au prince Téménique? Ah ouais. Il va se vexer. Ah, salut, ça va ou quoi? Salut, ça va. Il t'apprécie beaucoup, ouais. Il te salue. Et il a très envie d'écouter ton freestyle maintenant, Roms. Exactement. Par téléphone, puisque c'est l'heure et t'as une 30 pour tout déchirer, on t'écoute, c'est il parti. Il est méchant. Allez, go. ROMS, tu connais, check. Abora, ce boy est négro. Écoute comment ça fait, yeah. Ok, check. Yeah, hey, j'ai pas de balles dans mon char, j'en mets de l'angle, je l'étale. Sur une feuille dans un cahier, mon histoire, je dévale. Poussé par le système, du haut de la colline, je dévale. Chaque thème, chaque étape, chaque image, j'encadre. Des millions de textes et des millions de phrases. Kiff mes rimes en passe-passe, mec en kilo, en gramme. J'écris mes textes sur iPad, avec mon stylo, c'est vaisseau. Votre carré de blue sky, posant freestyle à l'apéro. Attends, c'est MS, RO pour ceux qui connaissent. Mes gros sur les bancs de l'UT, à trier mon thème. Narco, c'est pour les mecs au dégradé avec le trait sur le côté. Faut que les boucs avec ce trait qui veulent. Tout faire capoter, trop confusion alimenté par le mensonge. Mon gars cherche un monde juste comme quand vous cherchez Dionard. On s'achète même les otages en centre commercial au Kenya. C'est le naufrage de façon sale comme le capitaine du postage. Ma son Facebook, je vois les meufs qui jouent les putes. Alimenter les disputes, je pas le beau arrête par flûte. Je fais le mec, hein, car j'en suis un TPS qui nous sépare de toi et moi. C'est ma maturité. Aïe. Ah, elle a pris lourd. Ah, t'inquiète pas, Rome, t'inquiète pas, on sait par téléphone, mais bien, bravo. Bravo à toi. Tranquille. On sait que t'es un bon, on peut te retrouver sur le net d'ailleurs, on peut te suivre où, Roms? Bah, sur Twitter, @roms435. Voilà, sur YouTube, Roms974. Il y a les clips, il y a les freestyles, il y a tout. En direct de La Réunion. Et La Réunion, voilà. Comment il est? La Réunion, elle est là, tranquille. On sent pas les couilles. Qu'est-ce qui se passe? Il veut racheter La Réunion, en fait. Il veut racheter l'île La Réunion. Ça ne ressemble pas à votre statue royale, hein, ça, franchement. Je traîne trop avec des rappeurs. Mauvais, le rap, très mauvais. Retourner au pays. Ah, t'inquiète, 974. Bravo à toi, en tout cas, Romain. Bravo à toi. Il est bien. Il est là. Petit dédicace à passer, petit message, Roms. Voilà, dédicace à tous ceux qui me suivent depuis le début. Dédicace aux haineux, aux critiques, y'a pas de soucis. Et puis, dédicace à La Réunion, mon pays, ma famille, tous mes amis, voilà. Voilà. Gros bien dédicace dit, à Gicam Prod aussi. Eh ben, merci à toi, Roms. Y'a pas de soucis. Et à très vite. Ciao, ciao. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Allez, c'est parti, Est-ce que tout le monde est chaud? DJ B-Rice est au platine. Yes, ce soir. Numéro 1 des DJ. C'est quand vous voulez, messieurs, session live dans Planète Rap. DJ B-Rice. Vie par les armes, meurt par les armes. Vie dans l'Ahram. C'est l'Algérino sur Skyrock. Oup! Nous avons un coup dans le sac. Double MC. Tu tires un rail avant de le fumer. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Galette, je suis un homme. Galette, je suis un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. La vie est dure, c'est sûr. Y'a ceux qui se lèvent le cul, toi tu vends de la pure. T'enlèves des vies, t'enlèves des âmes. Tu crois plus en Dieu, tu crois qu'en ton art. Paranoïaque, dépressif, crie sur la daronne, addict à la coque, faut ta dose, faut que tu sniffes. Un grand ami, une gif, Issa Hagar. Tu veux lui faire la peau, ce fils de bâtard. Karmatier, un fou, t'as des choses à prouver. Attends-toi à tout, la rue va t'éprouver. Ça commence par le gay, ça finit par donner des gros. Pour récupérer un terrain, tu fus ton ami gros. Jette comme si de rien n'était, j'assiste à son enterrement. Tu pleures avec sa mère, tu mélanges les sentiments. La prochaine qui va pleurer, c'est la tienne. Attends-toi à un lourd châtiment. Tu tires un rail avant de le fumer. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Galette, je suis un homme. Galette, je suis un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à brûler. C'est l'Algérino sur Skyrock, mon ami. En live sur Skyrock, l'album lundi dans les bacs. Avec le Royal. C'est le remix, c'est le remix. My Rebbe. Lundi dans les bacs, My Rebbe. C'est l'Algérino, My Rebbe. Avec le Royal, la famille. My Rebbe. Lundi dans les bacs, My Rebbe. C'est l'Algérino, My Rebbe. Marseille, Païna. My Rebbe. T'inquiète, la famille. My Rebbe. Y'a comme une odeur drossie, l'atmosphère pue la défaite. Parlons peu, parlons bien, rêve, venons-en au fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre, je veux mettre à l'abri perme. J'suis presque refait, j'quitterai la France pour la terre. J'suis la bébé, l'oued, ou l'aide, l'harmaté, assa. T'ahiel, j'ai. Essayez, écartez-vous, laisse le crâne. Décapote à bien, Omri, t'habit, te délidra. Mirani, manich, couette, demande à fouet dans le on est là, les petites, j'mets à pendelé. Trop déterminé, chez Wita, Sahouya, on est là. Offshore à Pattaya, j'suis avec des guiris, des harbigas. Gamiranzaya, on est en direct sur Skyrock en live. Cali, fort corps, viens, mon ami, c'est correct. Ah, le pote à Jésus. My Rebbe. Yeah. La famille Khalifa Hardcore en direct de Skyrock. Grosse dédicace, Minou du 19ème. Hein, Riyad, Mams, on est là la famille. Yeah. Ouais, j'ai pas de kilo dans ma cave. Nique les béchos, les caves. Ma vie n'est pas que je remonte à la casse. On fait le pull-up, je serai pas parti, frère. En direct de Skyrock, représente Marseille, Liga One en force. J'ai pas de kilo dans ma cave, nique les béros, les caves. Ma vie n'est pas que je remonte à la casse. Je fais cracher la basse, je fais cracher la carte. Pas d'arraché de sac, je préfère péter les battes. La daronne à la bac, ça fait ratatata. J'ai le rap du quartier, la chatatatata. La crapule au dac, la crapulerie au jax. Du coca dans le jax, nique sa mère à la brave. Ratatata, ratatata. Dans le rap y'a trop de putes. La chatatatata, direct pour Skyrock, l'Algérie, nous avec le royal. Faites du bruit, la famille. Wesh mon pote au Mali. Grosse dédicace à Soso Manas, la famille. Yes, I. Yeah. Wesh bim bim, t'es rentré ou pas? Ok. Pour tous les mecs de la Morlate. Yeah, c'est bang bang, frérot. Aïe. 015 Bridge. Ok, ok. Le 6 octobre. Aigle Royal dans les bacs, hey. Ok. C'est parti, mon frère. On est tous paranoïaques. Young Smoke, Cayenne. Ok. Redouane, lève le bracelet, mon frère. Yeah. Ok, un. Fais tes pochons, tes paquets, ravitaille le quartier, prends ton enveloppe. Je me suis fait seul, j'ai fumé sous, rien à foutre, t'as pas de love. Parle de fric, c'est le m'tango. Parle pour rien, c'est des mananos. Black, réel, Django. Complètement parano. Le jack et le jack et le jack et le jack, on se croit dans le Tennessee. C'est ces quartiers de Marceau, autant de chiffres d'affaires que LV, moi et Tennessee. LV, moi et Tennessee. Gaffe à voir finir les mains dans le dos. Connu pour stupéfiant, alors que mon avenir était celui de Zidane ou Messi. Souvent seul, je pense à faire le mal et pour me calmer, je vais guindo. Pour oublier tout ça, je me relance d'herso à fond dans la Twingo. Vas-y, Jock, ouvre la window. Décapsule la bouteille. Souvent seul à Marseille, tellement parano, je me confie Camilo Boutin. Aïe, casse la morlette. Parti nord de Marseille. La Soli, Fond Vert, la Savine, la Savine, Landau, la Castellane, la Rouguière, la Cayolle et la place à nos amis de Paname, Marine, Monster, DJ B-Rise. L'album sort le 3 novembre dans les bacs. Voici le premier extrait. J'encaisse. Dans les bacs. Ça va. Yann Slow. J'encaisse. Je rêverais que les gens se blessent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le best. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté, j'encaisse. Je rêverais que les gens se blessent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Façon refrain, je suis le best. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté. Hello la famille remplie d'hypocrisie. Oui tu sais que ça va chez Marie, c'est bien que tu vas criser. Mais pas le mec qui crise, tu bégues rien que ça grille. Ça jacque sur moi sans arrêt comme l'Algérie au Brésil. Tu te manges des coups là ça devient physique. Vous seriez prêt à tuer pour ta musique. Contre leur sharing n'est pas easy. J'ai guisé mon flow, ma vague à ce plat est prisé. N'écoutez pas, je suis taré. Je sais pas comment animer. Un jour ou l'autre je vais me barrer pour que mes prières soient validées. M'écoutez pas, je suis taré. Je sais pas comment aller me barrer. Un jour ou l'autre, je vais me barrer pour que mes prières soient validées. Je rêverais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Par son refrain, je suis le best. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté, j'encaisse. Je rêverais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Par son refrain, je suis le best. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté. Chez moi devant mon petit plasma. J'entends des conneries tous les jours passer à côté de moi. La seule tu vois de quoi je pars, je vais pas t'en faire un schéma. Je sens que je vais faire des jaloux si jamais ça schéma. 2014 que des focus, je suis au bord de la trauma. Mais que se passera-t-il le jour où je roulerai en Panamera? Tourne et tu me checkeras dessus comme un lama. J'ai la vérité, je dis pas ça que pour faire de la mala. Je m'incrustais dans des ambiances, on me disait que fais-tu là. Et que maintenant je manque de rien, j'habite même dans une villa. Que j'aurais pris la grosse de suite dans subliminal. J'entends même tous les jours, est-ce que t'as ces rébellas? Je bute toujours mes pouces sur un bon vieux mat. En reproche, je me mets des trucs à Nelson Mandela. Un disque d'or, un peu d'argent et puis le monde est là. J'encaisse, je rêverais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Par son refrain, je suis le best. Donc laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté, j'encaisse. Je rêverais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Par son refrain, je suis le best. Laisse moi faire, ça m'intéresse. Je suis déjanté, j'encaisse. Yeah. Le premier extrait c'était Jean Caisse. L'album sort le 3 novembre dans les bacs. Switch. LDT. Wesh Parigo. Ah. Sale comme Libertad, tous les mecs enfermés à qui la rue a laissé des symptômes. Et qui chialent pas pour un courrier ou pour un parleur fantôme. Prison jusqu'au tom-tom, là-dedans y'a quoi qui t'étonne. Je vais les blesser sans faire de bruit, je suis tout le contraire d'un gom-com. Parce que j'ai promis à ma mère qu'un jour on se barre de ses halls. Les miens à tes coco, faudrait changer le fusil d'épaule. Igor, le genre d'MC qui fait péter. Hiver ou été, rentrez vous abriter. J'ai l'alcool dans ton verre de coca. La balle qui sort, ton gain, le truc qui fait un plus. Ça t'a des gaines de drala. Venez, je l'ai fait même très tard. Pose à écrire dans l'auto. Notre coq, c'est un KX clochard, fait place au bruit des pétards. Rimcut à la prod, lourd cœur pour ton hip-hop. J'ai quoi aligner ton meilleur MC et tous ses potes. Je vais leur prendre toutes leurs codes. Deux, trois punchlines pour qu'ils sautent. Au VDZ, remets les pendules à l'air et puis à fond. Dans le 9-4, on nomme le petit prince du Val-de-Marne. Je dors pas la nuit, et ma mère, je vois que ça l'emmerde. Prod sur prod niqué pour faire gonfler son compte et pas. Du nord au sud à l'ouest, est tous vécus dans la même merde. Dans le 9-4, on nomme le petit prince du Val-de-Marne. Je dors pas la nuit, et ma mère, je vois que ça l'emmerde. Prod sur prod niqué pour faire gonfler son compte et pas. Ah, trapper c'est bien, mais rapper c'est mieux. Je fais ce que j'ai à faire en espérant finir auprès de Dieu. Remballe tes conseils, je suis né tout seul et on mourra pas à deux. Si le rap marche pas à deux pas, j'ai un plan vraiment vicieux. 9-4, LDT soit une longue vie à tous les mecs de cité qui pour la santé de la daronne sont obligés de précipiter. Faire du zéo parce que le loyer va pas se payer seul. Peu importe la manière, je suis fier, c'est pourquoi que j'ouvre ma grande. Si tu veux pas très loin, j'oublierai jamais d'où je viens. L'argent ça va, les femmes ça se barre. Et quand t'es seul que tu te rends compte qu'ils sont très peu les tiens. Mais ils sont quand je suis en chien. À part mal et calache et quelques-uns qui se reconnaissent. VLT, le reste on se doit rien. Ça peut perdre à toute la night, mais ce que ça perd à toute moi. Toujours en vie, je réfléchis, y'a que mort, je suis en mode répit. Je tape pour régler les vies. Famille m'a dit de 2.5, on cherche personne, mais si tu testes, on s'évite. Dans la famille, tu dans la même merde. Dans le 9-4, on nomme le petit prince du Val-de-Marne. Aïe, pas la nuit, et ma mère, je vois que ça l'emmerde. Prends sur prod niqué pour faire gonfler son compte épargne. Du nord au sud à l'ouest, est le petit dans la même merde. Dans le 9-4, on nomme le petit prince du Val-de-Marne. Sors pas la nuit, et ma mère, je vois que ça l'emmerde. Wesh l'Algérino, la famille Igor, c'est correct. Aïe. Yeah. Du lourd. LECK. Swax en fou, bloquer les bitch. Un Swax te renonce à la flop. Igor, il a rappé un VLT 9-4, on est là, tu connais. Ok, au revoir. Schwartz en vue, bloquer les bitches. Un Schwartz de renom, jamais hybride. Jamais hybride, nique ta Remzer, jamais équipe. Du charisme, en veux-tu, en voilà, Gunther Chef. Schwartz, all eyes on me. Bloquer les bitches, un Schwartz de renom, jamais hybride. Wesh Bear, samedi 4, jamais équipe. Welcome to the star, Saint-Michel. Gunther Chef, d'Algérino, Aigle Royal. All eyes on me, à la Tupac, chien de la casse. V'là la bague, Gunther Chef. Je vais te dire ce que je pense. Une fois que tu perces, tu sèmes ta semence. T'auras des troupes qui te bouffent le bah. C'est tienne en errance. Donc on va te comparer à n'importe qui. On va te juger dans le mépris. C'est comme un vitri, beaucoup font les fous. On sait qui est qui, mais hamdoulah, j'ai jamais fait la toi. Voilà, j'ai jamais fait la toi. Rien les gars, roule un joint au soin. Le poteau a fait crédit pour ça, toi. Ah ouais, ça lasse comme des gars. Mon envie, mon amour, bah les couilles de Dior. Y'a que Dieu qu'on adore, les mauvais arènes de la mort. Celui sous la barre, oh my god. Marre de ces fils, j'ai vu les bad boys. Laisse-moi mon l'olium, on se tuera à foie. Mon tableau de chasse, que de Pussy Cat Dolls. Cagoule, prolique, sas, Hugo. Ça parle, main de bon l'embouche, car y'a grave les huggies. Les bons, tu es pis, avale depuis les 12 piges. Mon édifice, un frère meurt, je fais le sacrifice. Pour le rap, je vends du shit à ton fils. J'prends les cœurs, y'a pas de bénéfice. Côté meuf, y'a que du fils. Pas de place dans l'industrie du dis. On vend de la S, on prend des listes. Les rebeux sur moi ont la haine. Pourquoi je défends les crânes? J'écoute pas la race humaine. La réponse est dans le Coran. Garantie de la pire race, l'Algérino. DJ Virus. J'rentre dans le game, les punis s'effacent. J'vois que sans fou, bloquer les bitches. Un soir de renom, jamais il brief. Jamais il brief, nique ta Remzer, jamais il kiffe. Du charisme, veux-tu en voilà. Gunther chef de la pire race. Schwartz. Petit Schwartz sans vue, bloquer les bitches. Un Schwartz de renom, jamais il brief. Eh oui, mon ami. Nique ta Remzer, jamais il brief. Du charisme, veux-tu en voilà. Gunther chef de la pire race. Schwartz. On est sur Schwartz. Freestyle de malade. Laisse-les se relever. Bon, on est là, 2015. L'album arrive dans les parcs. Aigle Royal lundi, faut aller le chercher. Kiki sur son projet, faut aller le chercher. Si. Igor, il vient du 9-4. Et là, croyez pas que ce mec-là va rien faire. On est là, 9-4. On est la relève du 9-4. C'est nous maintenant. Je voudrais remercier tous ceux qu'ils ont freestylé là ce soir. Les Marine Monsters qui sont là, qui sortent l'album le 3 novembre. Leur morceau est déchiré. Hein. C'est le clip qui arrive demain, c'est ça. Hein. Demain, 18h. Demain, 18h, le clip officiel. Et le prince, il encaisse aussi. Et le CK, on remercie Fouad, c'est la famille. On remercie Youssef qui est là. Yes. Califarco. On remercie Califarco. Bigawan. Bang Bang. Mon pote Malik. Yasso qui est là sur Panama. Qui est là ce soir et qui sera là demain aussi. T'inquiète. Il y a la Tiff Beat. Exactement. On est là, frérot. Et bien, merci à vous tous. Pour ceux qui peuvent me retrouver samedi, je suis à Welcome to the Star avec BR. Ça se passe à Saint-Michel, soir. Saint-Michel. Voilà, délicat à Slimane. Merci à vous tous. Le prince Dominique II, on salue aussi. Ouais, bien sûr. Comme il se doit. Bien sûr, je vais faire une grosse dédicace à Sonia, Alia, Djibril, Nadia Majeri. Je vais faire une grosse dédicace à Salim Benfoda, t'inquiète pas la famille. À Bloomy, Kader, on est là, t'inquiète pas. Je voudrais annoncer aussi des petites dates, possibilités ou pas? Bien sûr, vas-y. Alors attends, je connais pas ça par cœur. Alors c'est quoi, on fait tourner la roulette comme ça, après tu les annonces. Allez, c'est parti. Ça marche. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Et c'est Mehdi de la Jonquière qui vient faire tourner la roulette. Salut Mehdi. Salut. Ça va bien Mehdi? Ça va, nickel. En salut le prince, l'Algérie. Mehdi te salue. Je pense qu'il a envie de gagner énormément, non seulement à la roulette, mais ailleurs. Salam alaikum, harakchit babak. Oui. Il a craqué le prince, il a pété une jury. Mehdi, tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? C'est bon. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Rapide, médian, ça perd pas de temps, hein. Ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, c'est fait, 2 places pour aller voir Kev Adams à Montpellier le 15 novembre prochain avec le DVD, voilà, qu'on t'envoie en exclu, puisqu'il sort début novembre, le DVD. Ah, c'est bon, merci. Eh ben de rien, Mehdi. Merci à toi, passe une bonne soirée. Merci, vous aussi, les gars. Ciao, allez. Ciao. Bon, pour ceux qui habitent dans le 9-4 ou Coquès, lundi, moi, à 15h, 16h, entre 15 et 16h, peut-être que mon ami Benji qui sera avec moi, on va aller à la Fnac pour aller acheter Aigle Royal. Donc, pour ceux qui veulent faire des autographes et tout en même temps, ben nous, on sera là-bas. À la Fnac de Créteil, c'est lundi, entre 15 et 16h. Si t'es là, viens, ouais, si t'es pas là, c'est pas grave. À Paris, je viens, sûr. C'est de 15h à 16h, peut-être, même si Benji, peut-être, il sera là. Moi, en tout cas, je vais aller entre 15 et 16h à la Fnac de Créteil. On va aller découvrir le frérot. Ça marche. Et voilà, ceux qui sont là, on va aller acheter l'album. Il y aura le prince Téménique aussi. Le prince va à Créteil. Allez, hop, à Créteil. Il sera là. Lundi, il sera là. Vous connaissez Créteil un peu, prince? Non, il connaît pas. T'inquiète, je vais te faire un tour, tu vas l'acheter direct. C'est quoi le centre commercial? Ça s'appelle Créteil Soleil. C'est Créteil Soleil. Il y a que là-bas qu'il y a une Fnac. Donc peut-être acheter d'ailleurs. C'est un investissement, Créteil Soleil, un centre commercial. Créteil Soleil. Appelle Qatar Soleil après. Pourquoi pas? Et bah tous lundi là-bas, direction. Donc voilà, entre 15 et 16h, moi je serai là-bas. Voilà. Rendez-vous lundi, entre 15 et 16h, il y aura LECK. Voilà. Et peut-être que je serai là aussi. Tu as tes dates? Je compte sur vous, l'album c'est important. Allez acheter l'album lundi le 6 octobre dans toute la France, il est ok? Aigle Royal. C'est Elgoré, c'est l'Algérino, excusez-moi, je bafouille. C'est pas chose grave, à dire. Alors, pour les dates, samedi 4 octobre, c'est ce samedi-là, je serai au Riad à Lyon. On a l'habitude de foutre le feu là-bas. Donc, ça se passe à Lyon, au Riad. Direction le Riad. Dimanche 5 octobre, c'est ce dimanche-là, je serai au Garden à Saint-Denis. Grosse dédicace à Oujda et Gros Yeux, t'inquiète, c'est la famille. Le samedi 11 octobre, c'est le samedi prochain. Après. Au 8 Club à Annemasse. Le 12 octobre, je serai au Canal à Bruxelles. C'est vraiment chaud là-bas aussi. Le 18, bon, pour les Marocains, Fouette, je serai à Agadir. Voilà, et tu es invité. Berber, merci. On s'arrange avec Bouchta pour les VHR. Le 25 octobre, je serai à Strasbourg et je vous donnerai le reste demain. Et bah demain, rencontre pour la dernière. Et l'album lundi dans les bacs, la famille. Grosse dédicace à Ré, grosse dédicace à Crouche. Et demain, je vous fais plein de dédicaces. Et bah loupez pas demain entre 20 et 21. Merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant qui est là. Ouais, Fredo. Yes. Hello. Comment ça va? Bah en pleine forme. Et vous? Pareil, pleine forme ça aussi. Tout le monde est prêt. Ça dit quoi pour les Stéphanois ce soir? J'aimerais entendre le club qu'ils vont affronter. Alors, c'est un club ukrainien, nous. C'est Niko Petrov. Waouh. Ah, pas mal, hein, tu parles l'ukrainien, le russe. Oui, mais non. Non, mais j'ai appris, on a parlé cette semaine, c'est Niko Petrov. Niko Petrov. Ah, ouais, le premier coup, c'est plus facile, le deuxième, un peu plus compliqué. En tout cas, c'est le match qu'on suivra à partir de dans un quart d'heure. 21h05, il démarre le match. On va suivre ça en direct. Petit pronostic, Fredo, pour Saint-Etienne. Ah, bah, pour Saint-Etienne, derrière les verts. Contre qui joue Saint-Etienne? Dimitrov. Ah voilà, non, il gagne facile. Saint-Etienne, il gagne facile. Eh ben, on croise les doigts pour les Stéphanois. C'est marrant, Fred, tu es toujours derrière les Verts. Toujours. Ah ben non, mais les Verts, il faut soutenir. Voilà, il faut soutenir les Verts. Il faut même les lever de temps en temps. Oui, Marie aussi, elle est là. Marie, il paraît qu'il y a un cadeau encore qui arrive pour toi. Le prince te couvre de cadeaux. Il arrive avec un cadeau, on m'a dit. Ah, bah, c'est cette boîte-là. Le prince, il veut vraiment te serrer, Marie. Ah bon? Parce que je n'entends pas. Parce que nous, on n'a rien du tout, nous. Ouais, nous, pas de cadeau. Attends, c'est une boîte en argent. Bah. Une boîte en argent. Le prince est généreux. Ah, ce qu'il y a à l'intérieur. La princesse du Qatar est très généreuse. Wow. Bah. Le prince, il veut serrer, le gars. Ah non, mais moi, là, je suis choqué, là. Le prince a soif. Il a faim, ouais, c'est pas pareil. Ouais, ou les deux, peut-être. Il a la dalle. Bon, bon, on retrouve tout, hein. On vous retrouve demain soir. Demain, on sera là, entre 20 et 21. Le rendez-vous dernier de la semaine pour l'Alger, hein, l'Algerino. Ouais, demain, on clôture en beauté. Ah, bah, en beauté, comme toute la semaine. En beauté, exactement. Encore plus beau. C'est parti jusqu'à minuit pour la Radio Libre. Et demain soir, c'est reparti à partir de 20h pour Planète Rap. Nous, on est là avec vous et on va tout faire péter ce soir. C'est jeudi soir, c'est le jour du... Problème du mois. Du célèbre problème du mois que vous retrouverez tout à l'heure là dans l'émission. Plein de surprises aussi ce soir. Et puis évidemment, du son à écouter. On va commencer avec du swag parce que je trouve que ça nous va bien, hein, Fredo. Ah bah ça, vous êtes swagué comme jamais. Ah, quoi. Genre... L'équipe la plus swaguée du monde. Ah, allez. Ça, c'est, on vous attend deux, direct. Trois quand même qui, Oui, c'est vrai. Qui ont loupé. Non, par contre, ce que j'adore, moi, c'est la tenue que t'as dans le clip, dit Foul, franchement. Ah, tu trouves que le manteau de fourrure avec le les lunettes de soleil, non, mais tu devrais venir tous les soirs avec. C'est vrai. Non, mais t'as une classe folle dedans, je te jure. Folle, c'est le mot, oui. Non, mais une vraie classe. Merci, Fred. Je t'assure, d'ailleurs, je regarde le clip que pour toi. Allez voir le clip gigoté. Je tiens à te dire. Pas. Merci, Fredo. Merci, c'est gentil comme tout. Je sais pas comment je dois le prendre, mais non, c'est gentil. On écoutera Gigoté ce soir. On va écouter H. Magnum. J'espère bien. Avec DJ Case et Maître Gims aussi tout de suite. Et puis on vous attend en direct dès maintenant. C'est au 01 53 40 30 20. On doit rappeler un pervers ce soir. Merci pour le message que vous nous laissez. Ouais. À ne pas oublier. À ne pas oublier, on l'appelle tout à l'heure. Bon, plein de choses à faire en direct. Et puis si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cons en direct, on en profite. On termine bien la journée sur Skyrock. C'est parti dans un instant pour la Radio Libre. À demain, Fred. Ciao. Bonne soirée. C'est parti dans une minute. Ciao.